بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي با أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، اليوم الحديث العاشر، ديزيام حديث، toujours dans كتاب الطهارة باب المياء، le livre de la purification chapitre des eaux. فقال رحمه الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فناههم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. سلو أنس ابن مالك qu'il est dit que un bédouin s'est mis à uriner dans une partie du masjid. Donc les gens l'ont réprimandé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de cesser. Il leur a empêché de réprimander cet homme. Et lorsqu'il a fini d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'un seau d'eau soit versé sur la partie où il a uriné. Le hadithun il est muttafaqun alayh. Tout d'abord, le shir, il cite à propos de qawluhu ja'a a'rabiyun. Al-a'rabiyu wa alladhi yaskun fi fil badu. Le a'rabi, à ne pas confondre avec le arabi. A'rabi, c'est celui qui ne vit pas dans les villes, qui vit dans les campagnes. Le bédouin, comme on dirait. Et l'arabi, en réalité, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle l'arabe par rapport à sa race en soi, mais c'est également celui qui parle très bien l'arabe. Celui qui maîtrise la langue arabe est considéré comme étant un arabi. Et celui qui la parle mal, même si on dit qu'il est d'origine arabe, ils vont dire que c'est un ajami. Il parle comme un ajami. Mais également, l'arabi, l'arabe, c'est aussi la race. Hein? Mais des fois, ils font allusion par rapport à la langue. Que celui qui maîtrise bien la langue arabe vraiment, fasih, tout ça qu'il connaît bien, dit que c'est un arabi. Et celui qui ne la connaît pas bien, c'est un ajami. Quand bien même, il serait d'origine arabe. À la colline, le mourad, c'est quoi? C'est arabi, c'est le bédouin. Il est marlouf que les bédouins sont des gens, à l'époque, qui avaient un peu moins d'éducation que les autres. Qui vivent loin des gens. Ils ne sont pas comme les citadins. Donc il dit, Ibn Mulaqqin, dans son Sharh de l'Umda, il dit qu'il ne connaît personne qui ait vraiment pu dire quel est le nom de ce bédouin. Naam. Et il a été dit que c'est Zou el-Khouaïsira, el-Yémani. D'accord, Zul Khouaïsira al-Yémani. Et Shir ibn Hizam, il dit qu'en fait, ce qui a été apporté que son nom serait Zul Khouaïsira, c'est un hadith qui est Mursal. Donc il est da'if, il est faible. Donc il n'y a rien qui affirme le nom de ce bédouin. Contrairement à ce que moi-même je pensais, car j'ai toujours entendu qu'il y avait deux Zul Khouaïsira. Il y en a un, celui qui a dit Iadil ya Muhammad, le Khalidi qui a dit sois juste au Muhammad. Lui c'est Zou Khouaïsira al-Tamimi, Munafiq. Le deuxième c'est lui. Le deuxième Zou Khouaïsira c'est lui. Mais maintenant, il était démontré qu'en fait, cette appellation n'a rien qui soit confirmé authentiquement. Donc il reste Mubham. Il reste indéfini. On ne sait pas quel est son nom. À la colline, ça ne change rien au jugement du hadith. Ce n'est pas vraiment important. Donc il dit Mas'ala, Ba'ul el-Adami, l'urine de l'humain. El-Adami, en fait, ça veut dire le fils d'Adam. Ce qu'on voulait, c'est l'humain. Il rapporte que Al-Nawawi, dans son Sharh al-Muhadhab, il dit que l'urine de l'adulte humain est une impureté avec ijma, unanimité, des muslimines. Et plusieurs ont cité, ont rapporté cet ijma. Quant à l'urine de l'enfant en bas âge qui est allaité, qui n'est pas encore sevré, lui, c'est également une najasa, mais elle est mukhaffafa, elle est plus légère. Et certains voient qu'il est pur. Et en réalité, cela va venir inchallah dans son bab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'humecter le lieu où l'enfant, c'est-à-dire en bas âge, et c'est le garçon seulement, c'est pas la fille, c'est le garçon. Boule le roulem. Comme cela va venir, inchallah, que tu humectes. D'accord? Tu l'humidifies, ce n'est pas tu le laves. L'endroit où il a uriné. Donc si ce n'avait pas été une najasa, il n'aurait pas demandé à ce qu'il soit humecté. Taïeb. Donc cela démontre que, justement, l'urine de l'enfant en bas âge, à l'été, même si elle est moindre, ça reste toujours une najasa. Il y en a qui voient que c'est une najasa comme celle de l'adulte. Également, parmi les preuves que l'urine est une najasa, le hadith d'Ibn Abbas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux tombes. Et il dit « Innahuma yu'azzaban wa la yu'azzaban fi kabir » que eux deux se font châtier, ils ne font pas se châtier pour beaucoup, en réalité. Et dans une version « fi kabir » « Amma ahaduhuma fakana layastatiru min al-baul » D'accord, que l'un d'entre eux ne se préservait pas de son urine. C'est interprété de deux paroles, une qui dit qu'il urinait sans se préserver des éclaboussures et qu'il ne faisait pas d'estinja, il ne se rinçait pas. Et une autre version qui dit, qui explique, c'est qu'en fait il urinait aux yeux de tous. Il ne se cachait pas. Il n'est pas s'isoler pour uriner. Et d'autres hadiths vont venir. D'accord, comme le hadith istanzihu min al-bol, fa'inna amat azab al-kabr minhu. Que préservez-vous de l'urine, car le plus grand, la plus grande part du châtiment de la tombe vient de l'urine. C'est-à-dire la cause pour laquelle la plupart des gens se font châtier dans leur tombe, c'est pour l'urine. Et c'est marlouf que par exemple, les kuffars, il n'y a pas d'estinja chez eux. Ça n'existe pas. Quand ils vont aux toilettes pour uriner, ils urinent, hein, ils s'en vont. Au pire, allez, on va dire remue vite fait, quand c'est un homme, pour faire les goûter. Et après, il met son vêtement et il s'en va. Il n'y a pas d'estinja chez eux. Donc, ils sont tous pleins de najasa à longueur de journée. Wallahi a'udhu billah. Donc, évidemment, sans même compter leurs mécréances et leurs péchés, rien que ça suffit à ce qu'ils soient châtiés. Alors, que dire du reste? Salam al-Afia. Ensuite, il dit Mas'ala, Ra'it el-Adami, l'excrément de l'humain. Il dit que Al-Nawawi également rapportait l'ijma' que c'est une najasa. L'unanimité que c'est une najasa. Dans le même livre. Et là, il n'y a pas de différence entre l'excrément de l'enfant en bas âge et celui d'adulte. Ils ont le même jugement. Et là aussi, il y a ijma', unanimité. Al-Nawawi rapporte l'ijma' là-dessus. Donc après, il dit Mas'ala, Hel, uta'ayyan el-ma'u, litadhir el-ard. Est-ce que c'est seulement l'eau qui est désignée pour purifier la terre, le sol, là où tu as uriné? Donc la plupart des savants se servent de ce hadith pour dire que c'est l'eau qui est utilisée pour purifier un sol souillé par une impureté. Car ils disent que si jamais cela suffisait à ce que ça sèche tout seul, il n'aurait pas besoin de s'imposer de verser de l'eau dessus. Et d'autres ulama, eux, ils voient que la najasa, à partir du moment où elle est partie, elle a été enlevée, que ce soit par le soleil, par les vents, à tel point qu'il n'y a plus de traces, d'accord, que le lieu qui a été touché par cette najasa devient pur. Ce n'est pas forcément avec de l'eau. D'accord, ce n'est pas forcément avec de l'eau. Non, et ça, cette parole-là, il a vu que Cheikh l'Islam voit comme étant le plus juste. Après, c'était sa parole dans Majmou' Fatawa. Page 21, volume 475. Et il dit également la parole de Cheikh Othaymine, qui voit le même avis. Que si jamais la najasa, elle a été enlevée, qu'il n'y a plus de traces, alors que la chose redevient pure. La chose qui a été touchée par ce najasa devient pure. Que ce soit avec de l'autre que de l'eau. Quand tu as des lieux, par exemple, les gens vont dans des coins faire leurs besoins, par exemple, et ils ne versent pas forcément d'eau dans le lieu où ils ont été. Et avec le temps, la najasa s'en va avec le temps. Avec le soleil, avec les vents, avec plein d'autres choses, tu arrives à un moment où il n'y a plus rien. Donc là, ils disent que même si l'eau n'a pas été versée, cela suffit, d'accord, à ce que le lieu redevienne pur. Ce n'est pas forcément de l'eau. Donc après, il dit mas'ala, هل يشترط حفر الأرض وإلقاء التراب عند تطهيرها. Est-ce qu'il est conditionné, on va dire, de faire un trou et de mettre de la terre pour purifier là où il y a eu le lieu qui était souillé, pour pouvoir rendre le lieu pur. D'accord. Donc il dit, certains ont dit, on mixe ça comme condition, si jamais le sol était dur. Sur un sol dur. Qu'est-ce que tu mets quelque chose dessus? D'accord. Tu verses un peu de terre dessus. Et ils se servent d'un hadith mursal comme preuve pour cet avis. Et kazalika, il y a aussi un ordre qui est venu de creuser. Dans Hadith ibn Mas'ud. Et également Wasila ibn al-Asqa' wa Anas ibn Malik. Et tous les hadiths, ils sont munkara. Ils sont rejetés. Il n'y a rien d'authentique. Et la plupart des savants voient qu'il n'est pas conditionné, ni de creuser, et qu'il suffit tout simplement de verser l'eau dessus. Et quelle est leur preuve? Adal hadith. Là, c'est dans le masjid que c'est arrivé. Donc, si dans le masjid, ça n'a pas été fait, aula la yufal firili. À plus forte raison, tu ne vas pas le faire ailleurs. Dans un masjid, ça n'a pas été fait. Tu vois. Mais dans celui qui le fait, Yanni, on ne va pas dire qu'il est blâmé, mais à la base, ce n'est pas une chose qui lui est demandée. Mais s'il le fait, par exemple, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un l'a fait dans un coin, et il craint des odeurs, ce genre de choses, on ne peut pas le blâmer si on dit qu'il met de la terre par-dessus ou quoi. Mais qu'il ne dise pas, c'est une sunna, par exemple. Ça vient de lui. C'est une chose qui sera permise en soi. Donc voilà. Ah ouais, non, mais encore le mas'ala. Donc après, il dit mas'alat abouel wa arwaf al-hayawanat. L'urine et les excréments des animaux. Là, on a parlé des êtres humains. Là, on parle des animaux. Donc il y a trois paroles sur le sujet. Trois avis différents. Le premier, c'est que l'urine et les excréments des animaux comestibles, pour nous, sont purs. Seulement les animaux dont la chair nous est comestible, d'accord ? Seulement ces animaux-là, que leur urine et leurs excréments sont purs. Et ce fut l'avis de Cheikh l'Islam. C'était plusieurs savants, pas mieux Cheikh l'Islam. Quelles sont leurs preuves de le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, al-muttafaqun alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des gens étaient venus de l'extérieur, ils étaient malades, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de boire de l'urine de chameau pour se soigner. Non, après ça, ils sont partis, ils ont tué le berger, tout ça. Tu connais l'histoire? Ils ont tué le... Non, c'est pas des Khawarij, c'était des gens, ils ont... Apparemment, ils se sont convertis, et après, ils ont apostasié. ils sont venus, ils étaient malades à cause du temps de Al-Madina, du climat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué un lieu où se rendre, de prendre les urines de chameau et d'en boire. Ils ont été, ils ont bu, ils ont tué le chameau, ils ont tué le berger. De façon cruelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tués aussi. Il les a mis au sol, il leur a crevé les yeux, il les a laissés au soleil sans boire. Et c'est ce qu'ils meurent. Pour leur acte. Le hadith, il est ma'alouf. Il y a des preuves comme preuve pour dire que comme tu as tué, tu te fais tuer. Parce qu'ils ont tué le berger comme ça. Ils ont crevé les yeux, ils l'ont laissé mourir de soif. Ils l'ont. C'est pas un des côtés, ça parle. Moi, je confonds les deux histoires. Non, non, ça, c'est un truc qui est arrivé. Quand tu parles de l'histoire du Sahabi, qui s'est fait tuer par les Khawarij. Avec sa servante, ils l'ont ouvert le ventre, ça, c'est le fœtus. Ça, c'est après la mort du prophète, à l'époque de Ali. Et de là, Ali s'est lancé le combat contre les Khawarij. Non, ça, c'est du vivant du prophète, ça, là, c'est arrivé. Tamam. Deuxième, c'est le hadith de Jabir ibn Samura, dans Sahih al-Muslim, que anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam su'ila a yusalla fi marabit al-ghanam, qala fa qala na'am. Donc il fut interrogé, est-ce que la salat peut être accomplie dans l'enclos des moutons? Il a dit na'am. Et c'est connu dans l'enclos des moutons, tu vas trouver de l'urine de moutons. Donc il a dit na'am. Un tambih, pour que les gens ne se trompent pas par rapport au fait qu'il est interdit de faire la salade dans l'enclos du chameau. Ils vont dire, bah, le chameau c'est interdit de faire la salade dedans. Donc pourtant on peut manger sa chair, on dit na'am. Mais la cause de l'interdiction de faire la salade dans l'enclos du chameau, c'est à cause des shayatins qui sont présents. C'est pas pour à cause des excréments. C'est notre illa, c'est notre cause. Donc faut pas que les gens y comparent le hadith de l'interdiction de faire la salade dans l'enclos du chameau et celle-ci. C'est deux raisons différentes. Celle-là, c'est autorisé. Et il est certain que là où le mouton y vit, il fait ses besoins. Donc si c'était impur, il n'irait pas faire la salade dedans. Et le chameau, c'était interdit. Pourquoi? À cause des shayatin qui sont présents avec le chameau. Et non pas pour la cause des excréments. Donc tu ne ferais pas la salade dans l'enclos d'un chameau. Les ulama disent que c'est makruh, c'est pas haram. C'est encore un autre sujet. Taïeb. Ensuite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf, les tours, les circuits autour de la Kaaba, sur sa monture. D'accord? Sur sa chamelle. Et il est fort probable que l'animal, lorsqu'il tourne, il fait ses besoins en même temps. Donc c'était impur, ce lieu aurait été le plus endroit d'être préservé. D'accord? Le lieu aurait été le plus endroit de préserver. Donc ce hadith également, ce fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, démontre que leurs excréments ne sont pas des najasa. Ils ont pris un hadith, mais qui est faible. La baisa bibol ma yukal lahmu. Pas de mal dans l'urine de ceux dont on mange la chair. Dans ce dont la chair est comestible. Le hadith, il est daif, jidden, très faible. Donc le deuxième, ça c'est le premier avis, d'accord, que les excréments et les urines des animaux qui nous sont comestibles, dont la chair nous est comestible, leurs excréments sont purs, tahir. Le deuxième azhab, deuxième qawl, c'est que tous les excréments et urines de tous les animaux sont de najasa, des impuretés. Qu'il s'agisse de ce qui nous est comestible ou pas. D'accord? Ce qui nous a permis de manger ou pas. Tout, c'est le même jugement. Et eux se servent de quoi? Du hadith, justement. Istanzihu nel baul fa'inna amata azab al kabr minhu. Des hadiths qu'on a cités tout à l'heure pour dire que l'urine, c'est de najasa. Et ils se servent des mêmes hadiths pour dire que ces hadiths concernent toutes les urines. Soit celles des humains ou celles des animaux. Ils voient que toute l'urine entre dedans. C'est un. Tu vois? C'est âme pour eux. Également, ils ont fait comme preuve un qiyas, une comparaison analogique avec les humains. Avec les humains. Car ils disent que la nourriture, ce que consomme l'être humain comme nourriture, comme boisson, devient najasa. Quand tu vas aux toilettes, quand tu as tes besoins. Tout ce que tu manges, que tu rejettes, devient excrément. Ça devient najasa ou de l'urine. Et donc ils disent que l'être humain mange est meilleur que ce que les animaux y mangent. Donc il dit donc, à plus forte raison, celle des animaux sera pourquoi nous, que sommes des êtres humains qui mangeons de meilleurs aliments, plus propres, plus sains, les excréments deviennent des najasa et pas les animaux. Ils ont pris ça également. Ça, c'est un raisonnement par analogie. Un qiyas, comme on dit. Mais ce qiyas, il est rejeté par les preuves. Le qiyas, à la base, c'est pas que ce soit... Le qiyas, il peut être pris en considération. C'est une forme de istidlal lorsqu'il est correct, authentique, et qu'il ne s'oppose pas à des textes. Et là, il s'oppose à des textes, leur qiyas. Les textes qu'on a cités précédemment, par rapport aux animaux. Donc ce qu'on-là également, il est marjour. Donc ce qu'on-là, il est marjour. Que les excréments de tous les animaux sont une impureté. Et le troisième mazhab, troisième avis, que tout est pur. Les excréments et les urines de tous les animaux sont purs. Le contraire. Exception faite pour ceux des humains. Tout le reste est pur. Qu'il s'agit d'un animal dont la chaîne de comestible est permise ou pas. Tous les animaux, on va dire même pour eux tous les êtres vivants, hormis les humains, leurs excréments et leurs urines sont purs. Car eux, ils voient pas que les preuves, ils voient qu'il n'y a pas de preuves justement qui démontrent que les excréments des animaux sont impurs. Quand même. Donc l'avis le plus fort, c'est le premier. L'avis le plus fort est le premier. Qui est que tout ce qui est nous est comestible et licite, dont la chair nous est comestible et licite, comme animaux, tout cela nous est. Tout ce qui nous est permis, tout cela est pur. Naam. Car la base dans les excréments, justement, c'est question de najasa, également. En comparaison avec ceux des humains, donc on fait exception à ceux qui n'ont pas de preuves, à ceux qui ont des preuves, justement. D'accord ? On fait une comparaison avec ceux qui ont des preuves, des hadillah ou des faits qui démontrent qu'ils n'étaient pas une najasa. Et les autres, on reste sur la base qui sont de najasa. Et également, c'est un khilaf qui est assez fort entre le premier. Le premier avis, le deuxième avis, le troisième avis. Quels sont ou juste ce qui nous est comestible à la consommation, ce qui nous est licite à la consommation, ou alors, quelles le sont toutes? Elles sont toutes pures. Ça, c'est les deux avis plus forts. Non. En tout cas, ça, c'est juste des fawaid khalija, mabel istifada, pour profiter. Mais le but à démontrer là, c'était que en fait l'eau, d'accord, l'eau est un moyen qui ôte l'impureté. Une question pourrait se dire, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé l'homme uriner dans le masjid? Donc les ulama ils expliquent dans ce hadith, parmi les causes, premièrement c'est que quelqu'un qui est en train d'uriner, si tout le monde était venu pour l'empêcher et pour le reprendre, il se peut que dans la colère ou dans l'action, en voulant se débattre, en voulant l'en mettre partout, encore plus. Tu vois, il voit tout le monde qui lui parle, il regarde là à droite, il s'en met partout. Donc c'est une hikmah pour préserver lui-même et préserver également le lieu. Parce qu'après, tu te rappelles ce qu'il a uriné, il y en aura partout. Et également, les ulama disent que les médecins disent que justement quelqu'un qui urine, il y a des méfaits à la couper en cours. Si il y a mis l'urine et tu le bloques en même temps qu'il urine, à ce moment-là, ça peut lui causer ça peut avoir des méfaits sur la santé. Allah Ta'ala a'lam. Dans les explications du hadith, tu peux trouver ça. Les ulama disent. Tu le gardes ensuite ou bien? Bah non, ça va sortir. Mais le fait que tu urines, que tu te tiennes en pleine action, apparemment, ça a des méfaits sur ta santé. Non, ils disent comme ça. تمام مفهوم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.